bat qu'un coup sur quatre. Mais sous ses baisers doux, le tien bat comme un fou. Le cœur de Bloody Jack ne bat qu'un coup sur quatre. Mais sous ses baisers doux, le mien bat comme un fou. Et bang. On embrasse les platanes. Mas. À gauche. Kang. À droite. Et à gauche, à droite. Un essuie-glace. Un paquet. Cool un badge. Avec un script dessus. Keep cool. Une barre de. On se fait des Lang en Ford Mustang et bang. On embrasse les platanes. Mus à gauche, Tang à droite et à gauche à droite. Une bouteille de Fluid Makeup, un Flash, un Browning et un Pickup. Recueil Dead Gapo. Un briquet Zippo. On se fait des Lang en Ford Mustang et bang. On embrasse les platanes. Mus à gauche, Chang à droite et à gauche à droite. Un numéro de Superman. Un écrou de chez Paco Rabanne. Une photo de Marilyn. Un tube d'aspirine. On se fait des Lang en Ford Mustang et bang. On embrasse les platanes. Mus à gauche, Tang à droite. Une négresse qui buvait du lait. Disait-elle, si je le pouvais tremper ma figure dans mon bol de lait, je serais plus blanche que tous les Anglais. Un Britannique devant son chocolat, ah, se disait-il, et pourquoi ne pas tremper ma figure dans ce machin-là. Je serai plus noir qu'un noir du Kenya. Une intellectuelle qui buvait du thé, ah, se disait-elle, si je le pouvais tremper ma figure dans ma tasse de thé, je serai plus jaune que les filles du Yangtze. Un Américain qui buvait du sang, ah, se disait-il, si j'avais le temps de tremper ma figure dans mon bol de sang, je serai plus rouge qu'un Mohican.